Mathieu le Lunatique, 2, Contes, Récits et Scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Mathieu le Lunatique. À Gustave Doré. Je connais un Mathieu qui n'est pas de la Drôme, mais qui n'en est pas moins un étrange astronome. Il annonce le temps avec un rare aplomb. Le 12, ciel brumeux. Le 13, ciel de plomb. Le 15, ciel serein. Le 16, ciel de suie. Vendredi, beau soleil. Dimanche, grande pluie. Un jour, il vise juste, un autre de travers, avec des yeux plus sûrs au succès qu'au revers. Ses voisins plaisantaient de ce don prophétique et surnommaient Mathieu, Mathieu le Lunatique. Celui-ci, qui prenait la chose avec humeur, proposa de former un tribunal d'honneur qui marquerait les points d'une façon exacte. Le notaire en était et dresserait un acte, promettant d'enterrer son art in profundis s'il ne triomphait pas au moins 6 fois sur 10. À sa société que le dimanche amène, il prédisait l'état de toute la semaine. Ses pronostics, ainsi que tout calcul humain, étaient justes un jour et faux le lendemain. On arrêta le compte au plus prochain dimanche. L'actif et le passif se trouvaient manche à manche. La semaine suivante, on refit un état. Addition égale et même résultat. Le plateau penchait même, à ce que dit l'histoire, plus du côté revers que du côté victoire. De semaine en semaine, et puis de mois en mois, le calcul négatif suivit les mêmes lois. Par les jurés, enfin, la note fut donnée. « Voici, lui dirent-ils, tous les jours de l'année. Nombre égal au débit, nombre égal au crédit. C'est comme absolument si vous n'aviez rien dit. » Mathieu, de ses deux yeux, étudia la liste, compta, la trouva juste, et leur dit « Je persiste. » « Ne connaissez-vous pas vous-même un certain lieu, un homme nommé Paul ou Jérôme ou Mathieu, qui se trompe, le voit et persiste? En ce monde, plus d'un pourrait trouver que cette espèce abonde. Tout homme est infaillible en ses prédictions, tout homme est immuable en ses convictions. S'il prend le blé pour orge et l'avoine pour seigle, ce sont exceptions qui confirment la règle. Si la fatalité lui donne un démenti, il ne s'en est ému, troublé ni repenti. En morale, en bon sens théorique ou pratique, en religion même et même en politique, il peut bien se tromper une fois ou deux, mais avouez qu'il a tort. Jamais, jamais, jamais. Fin de Mathieu le Lunatique, enregistré par Stéphanie.